qui veut traverser, de Marc-Emmanuel Soriano. Épisode 1. Sur une plage, il y en a un qui veut traverser, avec un autre qui ne veut pas le faire traverser. Non. Sur la plage, il y en a un qui doit traverser, avec un autre qui ne devrait pas le faire traverser. Non. Sur la plage, devant une barque qui clapote, il y en a un qui ne peut que traverser, avec un autre qui ne peut que le faire traverser, puisque la barque est à lui, apparemment. Donc d'un côté, il y en a un qui pense qu'il doit absolument traverser, et de l'autre, un qui sait qu'il ne faut pas traverser. Non. Regardant la barque, il y en a un qui croit qu'il va enfin traverser ce soir la baie, et un autre qui sait qu'il y a peu de chances que ça arrive, à cause des courants, à cause des tempêtes, à cause des gardes-côtes. Donc un qui n'a pas le choix de ne pas traverser, avec un autre qui n'a pas le choix de ne pas louer sa barque, tant le désir de traverser est dévastateur. Donc un qui va traverser, avec un autre qui va lui faire croire qu'il va traverser. Non. Un qui donne tout ce qu'il a pour traverser avec un autre qui est obligé de le faire traverser. Non, un qui a décidé depuis longtemps qu'il ferait la traversée avec un autre qui lui demande s'il est sûr de vouloir partir. Non, un qui s'approche de la barque avec l'autre dedans, qui rapièce son filet, qui sait très bien au premier regard ce que vient faire là ce rôdeur, réserver une place pour une traversée la nuit. Encore un, pense-t-il, mais il n'y a plus de place. Il le lui dit, à peine a-t-il posé sa main fébrile sur la rame qui dépasse à l'avant de la pirogue. Non, il y en a un qui déambule sur un pauvre bout de ponton et qui cherche qui peut bien être le gars qui fait passer. Et il voit un type au bout du ponton, les pieds ballants dans l'eau avec une chemise de crasse, un paquet de Denil posé à côté de lui, qui fume sa fatigue comme un bienheureux. Et il tente un coup de bluff en montrant n'importe quelle barque, disant que ce soir il serait dedans et qu'il quitterait enfin cette plage de malheur pour voir si le type à la cigarette et l'homme qu'il cherche lui demandait son prix. Et ça marche apparemment, car celui-ci se retourne et lui envoie un sourire. Mais il s'arrête là et continue de fumer. Alors l'autre s'approche et lui dit « Ce soir, il y a bien un départ ?»« Ça, j'en sais rien, » répond la bouche fumeuse. « Moi, je suis pêcheur, voilà tout. Ces histoires de traversée, je ne suis pas au courant. Mais je ne vais pas dénoncer, » l'autre dit. « Je sais que c'est ici et la pêche, ça ne paie pas. Combien ? Combien quoi ? Combien pour traverser ? Je n'en sais rien, je ne touche pas à ça. Alors c'est qui ? Mais j'en sais rien, personne ne passe ici. C'est une plage tranquille, allez voir ailleurs. » Il ne faut pas me prendre pour un imbécile, il y a des départs ici. C'est la seule baie où c'est possible, tout le monde sait ça. Tout le monde ? Oui, tout le monde. Mais il devrait afficher le tarif. Le tarif, tout le monde le connaît, même à des milliers de là. Vous venez de si loin ? Non, des lacs du Nord. Il paie combien ? 50 000 jeux. Cigarette, coupe l'autre indifférent, calmez-vous. Non, merci, je ne fume pas. Vous allez acheter la mort, 50 000. Moi, avec 50 000, j'achète un moteur pour ma pirogue. Vous n'allez rien acheter avec vos 50 000, que la mort, ou pire, la prison. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Je paie une somme et vous me faites monter, point final. Oui, désolé, je ne fais monter personne, je tiens à la vie, moi. À 60, là-dedans, on va au fond, c'est tout. Vous achetez la mort, je vous dis. Pourquoi 60 ? Vous ne me ferez pas croire que vous êtes tout seul, ou alors vous êtes très riche. Le minimum, c'est 40 pour réunir la somme. En général, ils sont au moins 50, et ça se termine mal, ne faites pas l'innocent. Vous les avez jamais vus revenir, qui flottent les noyés ? Non, j'en connais qui sont passés. J'en connais. Faites ce que vous voulez, mais moi, je ne vends pas ma pirogue à des fous qui veulent l'enfer. L'enfer, il est ici, Christ, celui qui veut traverser ce coin imperceptiblement la tête. De toute façon, on crève ici. On crève lentement comme des moules dans la boue. On est sans air. T'attends cette nuit, c'est pas compliqué, crapote l'autre. S'il y a un départ, ça va déferler de partout, les pauvres types comme toi. Merde, il est où ? Il continue de parler, mais l'autre s'est déjà éloigné vers l'autre bout du ponton avec sa main en visière pour voir mieux. Non. Il y en a un qui attend au bord de l'eau, un qui scrute l'horizon depuis au moins une heure, avec un autre dans une barque qui arrive, qui n'en finit pas d'arriver. Elle arrive du bout là-bas de l'entrée de la baie. On la croirait immobile. Ils sont plusieurs dedans, une petite dizaine. L'embarcation est un zodiac rouge de taille moyenne. Enfin, elle accoste. Celui qui attendait monte à son tour. Du ponton pose un pied sur le rebord, mais il ne va pas plus loin parce que l'autre... Celui qui a la responsabilité du bateau veut être sûr qu'il peut venir. Si j'ai fait tous ces kilomètres et tu n'as pas fini, crois-moi, dit l'autre, recule. Voilà, de quel coin tu viens ? Du nord. La grande usine de conserve près des lacs. Tu ne connais pas la mer alors? Disant cela, il ouvre une canette d'un coup sec. Non, pas spécialement. Ça peut être un problème. Un problème? Mais tu verras, on est secoué. T'as soif? Non. Faut tenir plusieurs jours, il y en a qui n'arrivent pas au bout. Je sais, j'ai l'argent. Quoi, tu n'as pas déjà payé? À qui? Mais au ministre des Transports, mon cher. Et ils rient tous dans la barque en répétant la phrase. Au boss, pas à ma mère, dit-il enfin quand les rires ont diminué. Tu ne montes pas, c'est impossible. Il se désintéresse de lui, il y en a plein qui commencent à arriver. Tous lui glissent un truc à l'oreille et s'installent en rang serré sur les planches qui servent de banc. Et pourquoi tu ne prends pas la somme, finit-il par lui dire entre deux arrivants. C'est comme ça, l'argent à bord il ne vaut plus rien. Comment plus rien? Plus rien, c'est tout, c'est comme ça. Tu connais le mot de passe? Quel mot de passe? Celui qu'on donne en échange de l'argent. Mais moi je n'ai vu personne, je connais le tarif, je viens et voilà. Et voilà, répète le passeur, mais c'est plus compliqué que ça. Ah oui? Tu n'as pas ton visa? Il dit, et ils rigolent tous encore une fois dans la barque. J'ai l'argent, je ne veux pas l'argent, je veux le mot de passe. C'est quoi le mot de passe? C'est à toi de le dire, pas à moi. Et ils rigolent encore tous en disant, il n'a pas de visa. Tu trouves le pêcheur Maramara, c'est son nom, tu lui donnes les billets, et après tu monteras et tu traverseras. Il ne doit te rester que de l'argent pour là-bas. Mais quand? Mais la prochaine fois, quelque chose comme une semaine après la grande marée. Je ne vais pas attendre jusque-là. Tu fais comme tu veux, mais nous, on repart. Laisse-moi monter. N'insiste pas, et il attrape un manche de bois. Dégage maintenant, et va mettre tes billets en lieu sûr. Un conseil, te balade pas trop longtemps avec ça. Et ils repartent, et l'autre serre ses billets dans sa main en les regardant disparaître à l'autre bout de la baie, vers l'ouest, là où il faut aller. Et il lui crie qu'il a traversé les terres jusqu'ici, que ça fait des centaines et des centaines de kilomètres qu'il se balade avec ça, comme il dit. Un qui veut traverser, de Marc-Emmanuel Soriano. Lu par Jacques Bonafé. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Réalisation, Véronique Lamandour.